Second chapitre, ses premiers triomphes. Ainsi donc, comme nous venons de le voir par le témoignage authentique des mémoires vers la fin d'octobre 1903, la malheureuse épouse du major MacLeod, la pauvre héritière de M. Zell, cesse d'être la triste Marguerite Gertrude, humiliée, tyrannisée, cravachée, pour se transformer en l'étrange Mata Hari, appelée à enthousiasmer le monde par ses danses exotiques, avant de l'émouvoir par la tragédie de sa mort et de le préoccuper par les arcanes de sa légende. Le chapitre 7 des Mémoires, dans l'adaptation de Léo Faust, s'intitule « Intrigue ». Il pourrait aussi bien s'intituler « La grande vie ». Mais sans doute parce que ces notes, écrites par la danseuse elle-même, sont destinées à un père plutôt qu'au public, cette grande vie y apparaît bien correcte, très discrète, fort chaste. S'il y a dans son âme, comme il est tout naturel qu'il y ait alors quelque chose de l'ivresse des premiers triomphes en pleine indépendance, loin de la cravache conjugale, loin des blessants dédains des familles de fonctionnaires hollandais, on ne le remarque point dans ses souvenirs parisiens. Ses seules préoccupations semblent être son avenir et son mari dont l'ombre continue à se projeter fatidiquement sur son existence. Partout, elle croit le voir surgir à chaque instant pour proclamer et revendiquer ses droits, car le divorce demandé par elle n'a pas été encore accordé par la justice d'Amsterdam. Les juges puritains, religieusement respectueux de la discipline sociale, estiment sans doute qu'un noble chef de troupe coloniale a parfaitement le droit de traiter sa femme de la même façon que son cheval. Quand ce sera l'honorable MacLeod qui sollicitera enfin la rupture, les magistrats s'empresseront de la prononcer. Mais cela n'aura lieu que 3 ans plus tard. En attendant, le digne époux, quand il apprend que sa misérable moitié se consacre à la danse dans la Babylone moderne, lui écrit une lettre dans laquelle il la menace de la faire enfermer dans un couvent, ni plus ni moins que si l'on en était encore au temps de Louis XVI. Une Parisienne lui fait les gorges chaudes d'un aussi anachronique message. L'ingénue néerlandaise, elle, s'effraie, s'afflige, pleure, demande télégraphiquement conseil et finit par regagner son pays pour s'y cloîtrer dans l'austère maison de siens parents qui habite Nimègue. Avec une froide résignation, elle écrit en janvier 1904 « Me voilà donc condamnée à rester ici ». Ici, c'est la pénombre provinciale du foyer humide et gris, dans laquelle les casseroles de cuivre ont seules le droit de briller quand le pâle soleil les caresse. Ici, c'est la rue muette, la rue grave, la rue hostile, où un bruit de pas inconnu fait paraître aux fenêtres, derrière les rideaux de dentelle, les duègnes inquiètes. Ici, c'est un jardinet de tulipes frissonnant au souffle de l'hiver. Ici, c'est le brouillard, le doux brouillard qui enveloppe tout comme d'un voile, qui tamise les sons, qui assourdit jusqu'aux notes argentines du carillon municipal. Ici, c'est l'incessante surveillance des matrones et des commères qui ont entendu parler vaguement du scandale, de la fuite à Paris et des danses dans les théâtres. Ici, en somme, c'est la honte et la nostalgie. La nostalgie surtout, car il lui a suffi de connaître la joie parisienne pour comprendre que c'est dans la souriante, l'hospitalière lutèce que se trouvent la vie, la passion, la gloire, l'espérance, la liberté, le bonheur. « J'y triompherai tôt ou tard, » pense-t-elle. Mais les parents qui l'hébergent et qui éprouvent pour la vie des artistes en général et des artistes parisiens en particulier, une haine et un mépris infini, la guette jusque dans son sommeil pour l'empêcher de rêver un retour dans cette capitale du péché qu'ils appellent en leur furie de vieux lecteurs de la Bible, la Sodome et la Gomorre du monde moderne. Je me figure la jolie et triste recluse telle qu'elle doit avoir été en ces moments, après le long calvaire de son mariage, quand, L'âme subitement ouverte aux horizons de l'art et de l'amour, elle ne songe qu'à recouvrer son indépendance absolue pour retourner en France. Son intelligence lucide lui a permis de comprendre qu'hors de Hollande, sa beauté exotique fera bientôt d'elle une idole, au pied de laquelle des légions d'adorateurs chanteront des hymnes de fervent désir. Un portrait fameux qui la représente à l'apogée de son existence prouve que ceux qui parlent de son incomparable beauté n'exagèrent point. Grande, écrit un romancier, la décrivant d'après cette toile. Svelte, elle dresse sur son cou merveilleux, flexible et embrun, un visage fascinateur à l'ovale parfait et dont l'expression sibylline et tentatrice frappe. La bouche, vigoureusement dessinée, trace une ligne mobile, dédaigneuse, très charnue, sous le nez droit et fin dont les ailes palpitent au-dessus des deux fossettes d'ombre des commissures des lèvres. Les magnifiques yeux, veloutés et sombres, sont entourés de longs cils recourbés et ont légèrement bridé quelque chose d'hindou. Leur regard est énigmatique, il se perd dans le vide. Les cheveux très noirs, partagés en deux bandeaux, font au visage un cadre de ténébreuses ondulations. L'ensemble est voluptueux, troublant, plein de séductions inattendues, d'une beauté magique, d'une étonnante pureté de ligne. Cette beauté si peu européenne, si rare, appelée à subjuguer plus tard l'univers, les bons Hollandais ne la remarquent pas, ne la sentent ni ne la comprennent. Pour eux, habitués aux vulgaires luxuriances blondes des plantureuses maritornes, qui, dans les tableaux de Terborg, sourient en étalant leur décolleté devant les buveurs impassibles, le galbe délicat de la fantasque Marguerite Gertrude tient plus de la caricature que de l'art. Ses amis de Paris, par contre, quoiqu'ils aient à peine eu le temps d'admirer ses charmes, ne cessent de songer à elle et de lui demander quand elle pense revenir les délecter de ses danses. « Oui, quand ?» se demande-t-elle aussi. « Quand donc ?» Et telle est sa tristesse dans la sépulcrale Nimègue que, malgré les lettres dans lesquelles son mari lui répète chaque semaine que, si elle retourne prostituer son nom d'honnête homme sur les scènes des théâtres, il la fera enfermer pour le reste de ses jours, elle s'échappe de nouveau au printemps de 1905 et, peu après sa deuxième arrivée à Paris, débute non plus devant un public profane, mais dans le temple même des religions orientales, au musée Guimet, devant le sourire énigmatique d'un grand Bouddha en or. Et il faut lire dans les journaux du lendemain le compte rendu de cette cérémonie. Quelle grandiloquence, Seigneur! Quel enthousiasme chez les orientalistes à la soudaine révélation de ces rites inconnus! C'est que Mata Hari, cédant à une sorte d'autosuggestion, s'est fait passer pour une danseuse sacrée de l'Inde. Au milieu des reliques par les savants entassées dans le palais de Krishna, enveloppée d'un voile diaphane couleur de safran, elle célèbre, se rappelant peut-être ce qu'elle a vu à Java, réalisant ce qu'elle a rêvé dans la solitude de Nimègue, les rites illusoires d'une liturgie gravement voluptueuse. Un écrivain américain qui habite la France depuis 30 ans me dit, se reportant au bruyant début de la fameuse ballerine, je ne l'ai point vue au musée Guimet où les initiés seuls la purent admirer, mais quelques jours plus tard, au cours d'une fête à laquelle assistaient les dames les plus huppées du monde diplomatique, j'eus le plaisir de voir une de ces pantomimes de Mata Hari, qu'on tenait alors pour de scrupuleuses reconstitutions des danses sacrées des bayadères de Bénarès. Je me rappelle qu'avant le commencement du spectacle, un très grave vieillard expliqua au public ce que signifiait la cérémonie rythmique à laquelle il allait avoir la chance d'assister. Une vierge qui est belle comme Urvasi, qui est pure comme Damayanti, et qui sort d'un monastère comme Sakuntala, nous dit-il, va vous représenter le mythe de la perle noire. Et quand le docte et vénérable conférencier eut terminé sa ténébreuse histoire, nous vîmes apparaître une femme brune, mince, au visage dur, aux yeux de feu, et qui, enveloppée d'une tunique lui laissant le ventre nu, commença de danser lentement en évoquant les scènes du drame légendaire dans lequel la princesse Anouba, sachant qu'il y a au fond de la mer une écaille contenant une perle noire, pareille à celle qui brille au pommeau du poignard de Meshèb, essaye de séduire le pêcheur Amri pour le décider à l'aller chercher. Épouvanté par cette proposition, le pêcheur répond à la princesse que c'est folie ce qu'elle demande, car l'écaille est gardée par un monstre qui dévore quiconque en approche. Mais elle insiste, elle se fait câline, elle l'énivre de ses regards de feu, et à la fin, le pêcheur plonge au fond de la mer et en revient agonisant, déchiqueté par le monstre, pour remettre la perle à la princesse. Et la princesse, alors, caressant la gemme tachée de sang, danse, danse, se pâme et délire. Moi, la vérité soit dite, je n'arrivais pas, pour ma part, à démêler ce qu'il y a de religieux dans une telle légende. Mais par contre, je m'expliquais fort bien l'enthousiasme suscité par la danseuse chez les artistes parisiens, avides de sensations exotiques. Car réellement, en cette Matahari qui mimait si bien la coquetterie tragique, la coquetterie exigeant la vie d'un homme en échange d'un baiser, et l'exigeant avec une joie diabolique, savourant d'avance les plus cruelles sensations, il y avait une flamme de passion qui hallucinait, séduisait, faisait peur. Dans ses mémoires, la ballerine parle bien de cette soirée chez le ministre du Chili, mais en passant, sans y attacher grande importance. Que signifie en effet pour elle le représentant d'une petite république lointaine? Quelques centaines de francs tout au plus. Par contre, quand c'est la princesse Murat qui l'invite à s'exhiber quasi nue dans son palais, ou quand c'est le prince del Drago qui donne une fête en son honneur, on remarque l'orgueil avec lequel elle inscrit ses noms sur ses tablettes. Mais il y a plus d'orgueil encore quand, à la fin du dernier chapitre de son livre, elle avoue occuper un appartement somptueux au Palace Hôtel de l'avenue des Champs-Élysées et avoir voiture particulière. Ô vanité de la poupée éternelle! Et elle ne s'aperçoit même pas en écrivant cela à son père que tout le monde est autorisé à croire, sachant ce que se paie une artiste, que ce luxe ne peut pas provenir exclusivement des soirées mondaines, des représentations à l'Olympia, des cérémonies au musée Guimet. Chez une femme si maîtresse de soi, si circonspecte, si réservée, une telle indiscrétion paraît d'autant plus étrange qu'à chaque page de son livre, elle laisse percer le souci de faire croire que sa conduite est irréprochable et que, quand son mari l'accuse de traîner son nom dans les cabarets de nuit, il la calomnie. La preuve en est, dit-elle de rechef, que lorsqu'au début de 1906, lui-même demande le divorce qu'on n'avait pas voulu m'accorder, on ne peut rien relever contre ma conduite en Hollande et à Java. Et là-dessus, elle clôt ses confessions, sans paraître se douter que nous sommes quelques-uns d'assez impertinents pour murmurer « À Java et en Hollande, possible, mais à Paris ».